RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC. Bonsoir Sylval, bonsoir Slasher. Bonsoir Scream, bonsoir Sylval. Ça va en forme? Bah écoute, super. Remis du week-end? Bah écoute, moi oui, et toi? Oui, remis du week-end. Oui. Le temps rafraîchit un petit peu, mais vous êtes à l'écoute d'RQC 95 FM et on va vous apporter de la chaleur pendant 2 heures. Vous êtes d'accord? Une chaleur très humaine. Très humaine. Voilà, on va d'abord... Aujourd'hui dans l'émission, on a beaucoup de nouveautés et on aura aussi Julien du groupe Seven Weeks qui nous appellera vers aux alentours de 20h30. Je vais faire une petite interview comme ça. Parle dans le dos Choco, voilà, c'est mieux. Voilà. On racontera le conte avec lui. Oui. Ah bah oui. Et on cassera la croûte avec lui quand on discutera. Voilà. Ouais, voilà. On brisera la glace. Voilà. Voilà. Bien tout savoir sur lui. Oui. On retrouvera la Sylval Song. Tout à fait. La Slasher Song. Oui. La balade. Crapuleuse. On peut dire ça. On va commencer avec un live pour se mettre en bouche. Vous verrez pourquoi après. Dirk Schneider, qui est Monsieur Udo. L'album il s'appelle Live Back to the Roots. Une tournée où on a pu voir cette tournée au De Kruin et au Vauroyal. C'est extrait de cette tournée. Et on va s'écouter Screaming for a Love Bite. Eh ben écoutons ça. Voilà, et après on se retrouve. Faces, God, they can't arrest me. Ben, il a dit Dankeschön, ben, tout simplement parce que c'était enregistré en Allemagne. Ya, ya, ya. Dirk Schneider, Screaming for a Love Bite, extrait de l'album Live Back to the Roots. Alors, Sylvain, hier, on était tous de sortie. Alors, quel a été ton ressenti à toi qui était à De Kruijn pour le fameux concert de The Agonist, avec donc bien entendu deux groupes en première partie déjà. Je vais d'abord un peu vous demander un peu votre ressenti à tout un chacun, donc à toi Sylval et à toi Slasher, donc oui. Pour les groupes, donc il y avait The Agonist, il y avait The Crossed, je ne saurais plus dire comment, ça va me revenir. Oh, c'était... Ben, tu pourras regarder là. Hein. Et voilà, donc quel a été votre ressenti, vous les amis? Donc c'était à De Kruijn à Courtrai. Bah, alors, moi j'ai parlé de mon ressenti des différentes parties. Donc le premier groupe, j'ai bien aimé. C'était du bon, allez, on peut classifier ça comme du death mélodique ou du thrash metal? Non, pas du tout. C'était du. On va dire un peu un stoner. Un le peu premier, trashy. On parle du premier, hein. Stoner, ouais. Un peu trashy. Hein. Et le deuxième, pour moi, c'était vraiment trop criard, un peu à mon goût. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah bah, moi, j'ai pris une barre alors. Deuxième groupe, j'en ris encore. Ah bon. Non, attention, il était bien le gars. Je vais pas dire, il faut du courage et tout. Et puis bon, il a bien mis le feu quand même. Hein, quand t'as regardé sa prestation, il y a vachement mis le feu. Mais ce qui m'a fait rire, moi, c'est quand je l'ai pris en photo qu'il s'est pris mon appareil photo en pleine poire. Mais j'ai jamais cru qu'il allait mettre sa tête sur mon appareil photo. Je dis, mais qu'est-ce que... Mais oui, mais là, tu t'es trompé de concert. Plus, hein. Là, tu t'es trompé de concert, c'était Gilbert Montagnier. Non, je rigole. Écoute, je rigole. Un seul coup, j'ai eu peur, je me suis dit, oh, il s'est pas fait mal. Il s'est transformé en Gilbert Montagnier. Ouais. Non, et sinon, il y a mis le feu, hein. Ouais. Bon, moi, c'était pas ma tasse, c'est clair. Je sais pas comment on peut définir son style. C'est du hardcore. Oui, c'est tout à fait. Avec c'est du hardcore, du metalcore. Hein, du metalcore. Du metalcore, ouais. Grol, hein, carrément. Mm-hmm. Hein. Ouais. Donc, juste comme ça, c'était donc The Agonist of the Cross. Donc, on parle du deuxième groupe. Mm-hmm. Donc, c'est celui que vous avez pas trop accroché. Hein, et le premier, c'était tout simplement Field of Troy. Voilà, Field of Troy, qui était le premier groupe un peu stoner. Mm-hmm. Oui, et pour moi, The Agonist, la claque. Toi, The Agonist, la claque. Ouais. Oui. Et toi, Val? Bah, écoute, je vais pas te dire que c'était pas... Non, elle était sympa, en plus, la chanteuse. On va pas dire, elle était bien sympathique, pas cul-cul, la praline. Moi, c'est ce qui me fait peur, en général. Non, au contraire. Là, elle était super gentille, pas vilaine du tout. Enfin, moi, j'ai trouvé. Personnellement, je suis une femme. Oui, oui. Bon, c'est pas que je suis attirée vers les femmes, hein, je rassure tout le monde. Mmh. Mais, pas vilaine. Sympathique, agréable à regarder. Au niveau de la voix, ce qui est bien, c'est qu'elle a un dédoublement de voix, si je peux dire ça comme ça. Une voix grôle et une voix normale. Une voix symphonique. Symphonique, ouais, merci. Oui. Et non, moi, j'ai trouvé sa prestation bonne. Mmh. Ouais, excellente. Ouais, toi, t'as bien aimé. Hein. Toi, ouais. C'est clair que t'as bien aimé. Mmh. Ouais. Toi, je ne sais pas. Ben, moi, déjà, le premier, donc, The Field of Troy, j'avais un peu une mauvaise impression. Puis, j'ai vu, franchement, c'était... Il méritait plus de jouer en deuxième, le premier groupe, donc Field of Troy. Mmh. Mais souvent, hein, de toute façon, on a remarqué ça à De Kruijn, ouais. Souvent le premier groupe, il cartonne à mort. Mmh. Et j'aimais bien vraiment son timbre de voix, qui lui aussi faisait des passages un peu... Oui, je crois que c'était Groll, aussi... Et aussi en même temps... Oui, je crois que c'était aussi le guitariste. Oui, il chantait à deux. Je trouvais que leur compo était vraiment bien foutu. Mmh. Faut savoir que c'était un groupe belge. Un groupe Field of Troy. Donc, c'est le groupe Field of Troy. Et franchement, c'était vraiment bien. Deuxième groupe, comme je dis, ils ont le mérite de monter sur des planches juste avant d'un grand groupe quand même, hein, parce que The Agonist, c'est pas quand même un petit groupe. Il faut savoir aussi que est sortie de là quand même la ravissante Alicia qui a quitté pour rejoindre Arch Enemy. ils avaient quand même une pression qui était là, même si le public n'était pas aussi nombreux que d'habitude au De Kruyne. Ils ont quand même mis le paquet, même si c'est pas tellement ma tasse de thé, je tiens à le reconnaître. Donc pour Out of the Crust, mais bon, ils avaient la patate quoi, ils avaient la patate. Seul bémol, le light, les amis, le light, franchement, les schtroumpfs bleus, les martiens verts et les peaux rouges, waouh, c'était assez désagréable. Et puis, des fumigènes à tire-mort. Il y avait les lasers aussi, là je me trompe pas, et bel et bien des lasers. Non, c'est des stroboscopes, des trucs, les flashs, les stroboscopes. Enfin, moi, à mon époque, on appelait ça des lasers. Trop. Bah oui, et puis pour faire les photos, c'est pas top. Ouais, et puis même les fumigènes. Ouais. Alors, The Agonist, on aime ou on n'aime pas. Moi, je peux dire un bémol. Pour moi, pour ma part, c'est qu'à un moment donné, la voix n'était pas présente assez sur les musiques. Les musiques étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus utilisées en avant qu'à un moment donné. Il a fallu faire les balances pendant le set, c'est un peu dommage. Elle mettait l'ambiance. Elle a un charisme. On peut pas dire qu'elle a le même charisme qu'Alicia. Mais Alicia, c'est Alicia. C'est elle. Oui. Voilà. Elle a des cheveux magnifiques. Ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Et c'est des gens, tous les membres de The Agonist sont super, super sympas. Et simples. Ils tiennent le merge eux-mêmes. Ils parlent à leur public. Ils prennent le temps de poser des questions à leur public. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Un beau coup de chapeau pour ce groupe. Voilà. Alors maintenant, on va se retrouver peut-être... Là, vous savez, The Agonist, on vous parlera un petit peu... Elle est pas grosse. Ouais. Elle est bien en chair, voilà. C'est ce qu'on même dit. Pas, hein. Elle la déforme, ça sort d'un sac d'os, quoi. Voilà, c'est vrai. Mais allez les voir s'ils repassent. Moi, ça me dérangerait pas d'aller les revoir. C'est vraiment des gens super sympas. Voilà. Prochain concert qu'on vous commentera quand même, ben, ça sera bientôt. Hein. On en parlera après. Déjà, on est sorti samedi. Ouais. Mais on en reparlera ça. Et après. Dans 2 semaines. C'est aussi. Parce que il y a un programmateur qui a programmé quelque chose. Mais on va pas trop divulguer. Alors là, on va retrouver encore une nouveauté. Moi, j'attends l'album avec impatience. J'ai eu l'occasion de les voir en première partie de Stratovarius à l'époque au Splendide à Lille. C'est le groupe Hammerfall qui vont nous revenir avec un nouvel album. On va s'écouter la Secret Vow. On se retrouve tout de suite après. Et ce sera déjà l'heure de la Slasher Song. Voilà. Et oui. Tout à fait. Allez, Hammerfall. sound of metal, the sweetest sound of all. We're flying high up in the sky, a mighty fireball. We are defenders, the almighty. We stomp the trail when no one dares to go. We are the bravest, keep on fighting. We'll take the sacred vow. The first God spilled blood in the gutter, the second cut blinded his eyes, the third cut gave us all the answers, the final cut sliced up his life. Voilà, c'était le dernier Hammerfall. Eh ben, moi, je sais pas vous, mais... Moi, j'aime bien. Oui. Moi, j'aime bien. Alors, là, maintenant, il est l'heure, les amis. Il est l'heure, comme on dit. Il est l'heure de se réveiller. Oui. Il est l'heure de passer à la Slasher Song. Alors, Slasher, tu nous as choisi quoi et pourquoi ? Vas-y, nous sommes tout ouïes. Alors, je choisis un groupe qu'on a vu deux fois et qu'on a de très bonnes affinités avec. Donc, c'est de bizarre, deviner. Style Panthère, non ? Si ! Oh mon Dieu, comment as-tu deviné ? on va d'abord... Michael Starr, mon ami. on va juste dire qu'on a des bonnes affinités, mais au-dessus de la ceinture, d'accord ? Parce que voilà, c'est tout. Ouais, allez, vas-y, continue, va. On va pas te... C'est anodin, quoi. Voilà. Donc là on va, pourquoi j'ai choisi, déjà parce que Steel Panther sera au Splendide samedi, à mon avis, nous réserve un super show comme d'habitude, et ils vont bien bouger et ils vont peut-être, sûrement aussi jouer leur nouvelle chanson qui s'appelle She's Tights avec Robin Zander qui est le chanteur de Cheap Trick. Cheap Trick. Oh, écoute, hein, ça va toi. Hein. Des fois, tu trompes aussi. Non, mais non, mais j'imagine le nom Cheap Trick. Non, mais je t'en veux pas. Alors, ça serait tout aussi bien. Cheap Trick. Cheap Trick, pour ceux qui ne savent pas, c'est I want you to want me. Enfin, je vais pas trop chanter parce qu'il va pleuvoir. Voilà. C'est Queen ça. I want to break free. Non, ça c'est pas la même chose quoi. Alors vas-y, continue, ça. On va pas t'ennuyer, on va pas te spoiler. Donc, ta... C'est le chanteur de Cheap Trick. Voilà. Cheap Trick. Avec leur... là, Steel Panther ont sorti leur nouvel album qui s'intitule Lower the Bar. Et en plus, ce que j'ai remarqué sur... C'est qu'il a changé de pantalon. La pochette, oui, il a changé de pantalon. J'adore. C'est, ça, c'est vrai. Et ce que j'ai remarqué, pour ceux qui ont regardé le clip Glory Hole, il y a les deux filles du clip... Glory Hall et le nain aussi. Mais on peut, on va t'avouer quelque chose, même si t'es jeune, c'est deux actrices de films porno. Voilà. Ouais, mais bon, c'est toujours une parodie, hein, Steel Panther. Ouais, Steel Panther, c'est toujours. Ouais, mais je veux dire, ils prennent des vraies actrices de porno. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, bah tiens, ils prennent les filles pour des tutes ou des putes. Mais non, hein, c'est pas ça du tout. Hein, non, c'est non, mais je veux parodie, dire. Hein. Par contre, ils prennent vraiment des actrices X. Voilà. Ouais, mais bon, ça aussi, ça fait partie du fun, encore une fois. Ah ouais, tout à fait. Hein. C'est le Steel Panther, sinon bah, ça n'existerait voilà, pas. Voilà, c'est du fun. Hein. Et alors, c'est comme le bassiste, il n'y a pas homo, hein. Tout le monde il dit homo, mais non. C'est parce qu'il fait le rôle de la bimbo. C'est peut-être l'un des plus grands chasseurs, peut-être, mais on n'en sait rien. Je pense, parce qu'il est vachement beau. Hein. Oh, ça, bon, moi, les mecs, j'essaie de pas trop les regarder. Alors, vas-y, le Sacha. T'essayes, mais le bassiste d'Avatar, hein. Allez, vas-y, Slasher. Excuse-moi, Slasher. Là, je t'ai pourri ta chanson. Allez, vas-y. Donc là, on va s'écouter Steel Panther avec She Tights, avec Robin Zander du groupe Cheap Trick. Voilà. Avec leur nouvel album qui s'intitule Lover the Bar. Et j'ai oublié, le groupe est composé de Michael Starr, Lexi Fox, Stachel et Stig Zadina. Voilà. Tout à fait. Et l'album sortira en janvier. Oui, voilà. Ouais. Allez, on envoie ta Slasher. Il sortira en février. Ouais, moi aussi, le 24 février 2017. Non, il a été repoussé alors, parce que là, voilà. Dernièrement, c'était ouais. Janvier. Quoi. Ah oui. Ouais. Allez, on écoute ta Slasher. Oui. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Poupi, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Voilà, Slasher, donc, c'était quoi? Donc, j'étais si content avec Sheetlight. J'adore, moi, ce titre. Pareil. Tu adores ce titre? Ah, j'adore. Bah, c'est un peu le genre que j'écoute. Hein. Mm-hmm. Ça voilà. Me fait penser, tu sais, à la musique qu'on entend dans les films américains, tu vois. Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Les bandes-annonces et compagnie, quoi. American Pie et tout ça, quoi. Ouais. Ah, moi, j'aime bien. Donc, on rappelle la date, hein. Si vous n'avez rien à faire... C'est samedi. Samedi au Splendid. Et avec Inglorious en première partie. Yeah. Et le beau Nathan, il sera là. Nathan sera là. Oh, il y a du succès. Il y a des femmes qui le demandent en mariage sur sa page. Non. Ah, d'accord. Eh, oui, oui, oui. Il y a des propositions même en dessous de la ceinture, le malheureux. Il répond pas, le gars. Je vois que c'est pas trop son style, hein, Nathan. Ouais. Je crois qu'il aime bien jouer, mais bon, c'est tout après. Voilà. Mais une superbe voix, ce gars. Il a une bonne voix. Il a une bonne voix. C'est dommage un peu le personnage. Pourquoi? Bah, oh là là. Ne pas accepter une interview parce que. Mais ouais, mais c'est peut-être pas lui, t'es marrant, toi. Non, parce qu'il a, on avait l'accord du manager. Enfin bon, ça c'est autre chose, quoi. C'est. Et peut-être fatigué aussi, ou j'en sais rien. On verra bien samedi. C'est sympa, hein, gars. Ah oui, non, j'ai pas dit contre. Il a rigolé. On a pu recommencer 10 fois les photos. Il a jamais rien dit. Hein. Mais on verra bien samedi s'il nous accorde, nous l'accorde. Il peut pas être tout le temps fatigué. Voilà. On verra bien. Je m'en fous. Ça. Moi, ce qui met l'important, c'est sa sympathie. C'est la prestation. Puis sa sympathie est sympathique. Faut être honnête. Ah oui, je sais pas du tout. Il est hyper cher, son merch. Bah, il faut bien qu'il gagne sur ça maintenant. Hein. Les ventes de CD, ouais, c'est plus tellement ça. Son merch par rapport à d'autres débutants, il est hyper cher, j'ai trouvé. Ouais. Alors, le prochain, et normalement après, Seven Weeks va nous appeler pour une interview. On va d'abord s'écouter Kaiser avec. Asphalt and Suicide. Donc, on va s'écouter ce titre. Après, normalement, Julien de Seven Week nous appellera pour réaliser un interview. Fonneur. Oui, allez, c'est parti. Alors voilà, on a Julien en ligne. Alors bonsoir Julien. Bonsoir, donc Julien du groupe Seven bonsoir, Weeks. Julien. Alors je suis content d'abord que tu nous appelles, déjà ça fait super plaisir. On va un peu parler de votre nouvelle galette, hein, A Farewell to Dawn. Alors déjà j'aurais bien vous poser la question. Comment s'est passée l'origine du groupe Seven Week? Comment il a vu le jour ce groupe? Ah, ça fait déjà 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans même, puisqu'on a commencé en avril 2016. Et on s'était rencontré avec le batteur Jérémy, on s'était rencontré dans un autre groupe et on avait envie de. C'est l'époque où Queen of the Stone Age était vraiment un groupe qu'on entendait tout le temps et partout, qui était très important. Donc on avait envie d'aller taper dans ce rock très lourd et en même temps très mélodique. Mmh. Et on a monté le projet Seven Weeks avec ça, même si au départ c'était un peu plus dur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait quand même carrément des trucs un peu plus métal, mais on avait cette volonté de mélanger le gros son avec les mélodies. Voilà. Donc là vous avez votre nouvelle galette. Justement, avant de commencer à parler de l'écriture, comment s'est mis en place tous ces morceaux, je vais déjà m'arrêter sur l'artwork de cette pochette que je trouve merveilleuse quand même. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot de cet artwork comme ça? Alors justement, c'est un tout. Après, tu me poseras sûrement des questions sur comment on a fait l'album et tout. Mm-hmm. Mais l'artwork fait partie, pour moi, ça fait toujours partie intégrante du processus. C'est-à-dire, on a mené de front et la musique, les visuels. Et tout ça, ça s'est fait, on a voulu faire ça avec des gens très proches de nous, donc on a demandé à des amis. Donc là, c'est un ami qui s'appelle Lionel Londex, qui est dessinateur, graphiste, qui nous a fait cette pochette. toutes les photos sont faites aussi avec un autre ami qui est aussi de Limoges, qui s'appelle Radouane Ardono, qui nous a fait toutes ces photos en noir et blanc, et on a réussi à mixer ce côté très coloré de la pochette et ce côté très noir et blanc, très contrasté de l'intérieur du disque avec notamment le livret. Et on est très content de ça, parce qu'on trouve que ça fonctionne. On avait envie de parler de cette espèce d'adieu à l'aube. C'est pour ça qu'on mélange de la couleur du noir et blanc, parce que il y a le départ vers autre chose et la perte ou la fin d'un cycle. Et je trouve que les photos et le visuel correspondent bien à ça. Donc là maintenant on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc pour tout ce qui est composition, toi tu fais chant, guitare, basse, clavier. Oui. C'est pas un peu trop dur comme ça à porter Alors j'ai toujours été le principal compositeur du groupe. Mais on a eu beaucoup d'équipes différentes. On a souvent changé de guitariste, notamment avec Jérémy. On est les mêmes depuis le départ. On a eu un clavier qui est resté pendant 4 ans dans le groupe et qui a arrêté l'an dernier pour des raisons familiales. Et ça nous a beaucoup affecté de perdre cette équipe-là avec laquelle on avait beaucoup tourné. Et on a décidé avec Jérémy, le batteur d'origine, de se concentrer à deux sur la composition de l'album et de repartir ensuite avec une nouvelle équipe. On voulait pas trouver des gens dans l'urgence pour composer un album, donc on l'a fait tous les deux. On l'avait déjà fait de toute façon au tout début du groupe. Et puis, donc je me suis retrouvé à jouer effectivement un peu tous les instruments. La plupart des claviers ont quand même été confiés à François Maigret, qui est le guitariste, chanteur des Dukes et de No One Is Innocent. Et ça fait beaucoup de boulot, effectivement. Mais on avait besoin de ça. On avait besoin de se recentrer un peu sur le duo d'origine. Et puis, on était très contents de pouvoir faire ça comme ça. Justement, maintenant, comment s'est passée l'écriture? On va dire que vous étiez à 2,5, hein, comme ça. Même si François fait partie intégrante du projet. Il n'est pas partie intégrante du projet. Il est invité sur cet album pour faire les claviers. Mais c'est quelqu'un qui a produit 3 de nos disques. Et donc on connaît bien depuis longtemps, on connaît bien l'univers du groupe. Et donc les chansons sont nées de Jam, ou tu bossais de ton côté, Jérémy de l'autre, puis vous vous envoyez des fichiers et puis vous travailliez? Alors, un peu de tout ça. Quand on est deux, le seul problème, c'est qu'on peut pas jouer les morceaux en entier, puisqu'on est que deux pour les faire. Un coup je faisais la guitare, un coup je faisais la basse, et il y a des morceaux qui sont arrivés de jam, comme tu dis, des jams souvent basse batterie d'ailleurs, puisque je suis vraiment le bassiste du groupe, je suis guitariste en studio, et on a des morceaux aussi où j'avais écrit la guitare, des riffs de guitare, donc ça on le travaille ensemble, on maquettait avec un home studio, et également des morceaux qui sont nés à partir de textes, ça c'est toujours le plus intéressant en fait. Est-ce qu'on peut considérer votre album comme un album concept album, et si oui, s'il y a un fil rouge, quel est-il? Non, c'est pas un concept album. Le seul concept album qu'on a pu avoir, c'est l'album sur le film Dead of Night qu'on faisait en ciné-concert. Donc là, c'était vraiment le concept, c'était un concept de ciné-concert, mais c'est pas un concept album. Il y a un fil rouge, un fil conducteur qui est un peu cet adieu à l'aube, qui donc peut être symbolique de l'adieu de l'innocence, l'adieu d'une période, l'adieu de la première période de Seven Weeks, qui a duré 10 ans, où on passe peut-être à autre chose maintenant. Peut-être qu'avec cet album-là, on arrive à un point où on conclut tout ce qu'on a essayé de faire pendant 10 ans, et peut-être qu'on partira sur autre chose après. Donc ça fait 10 ans que vous êtes sur les routes, hein, maintenant on peut dire ça comme ça. Comment a été accueilli le nouvel album? Écoute, on a encore peu, puisque l'album sort en France, il sort dans les magasins le 21 octobre, oui. Il n'est pas encore sorti, et il sortira en Allemagne Benelux, je crois que c'est... un mois plus tard, fin novembre, je crois. Mais par le milieu des médias, quoi, comme nous, par exemple. Eh ben, pour l'instant, on a eu peu de retours, mais ils sont tous très bons. On est super contents. On a rarement des mauvais retours. Je me lance pas de fleurs, mais on a rarement des mauvais retours. Des fois, ce qu'on peut avoir comme mauvaise chronique, c'est des gens qui soit n'aiment pas le style, soit trouvent que on n'a pas peut-être été assez loin dans l'expérimentation, parce que on fait des choses assez classiques, mais en même temps, pour un groupe d'affiliés stoner, par exemple, on met des claviers synthétiques très froids. Oui. Ça, c'est un mélange contre nature qui des fois ne plaît pas ou ne touche pas la cible. Mais on a rarement de mauvaises chroniques qui nous disent que c'est mauvais, par exemple. Donc là, pour le coup, en plus, depuis maintenant une semaine qu'on commence à recevoir des chroniques, ce sont des bonnes chroniques, on est assez contents. Et surtout, c'est des gens qui mettent un point sur le fait que c'est assez mature. Et c'est en ça que je disais que peut-être c'était la fin d'un cycle où on est arrivé à faire de la manière la plus mature qui était possible pour nous, ce genre de musique. Je pense que peut-être après on va partir sur autre chose. Justement, tu parles un peu, vous classifiez un peu stoner, hein, de part aussi vos influences et tout ça depuis le départ. Ouais. Mais en plus vous ajoutez, et ça c'est pas mal non plus du tout, des musiques, des instrumentales sur vos albums, votre album, et ça c'est pas mal non plus quoi, quand on a Anka ou alors A Farewell to Dawn qui est le titre phare éponyme de l'album. C'est ça. Ça, je trouve que... C'est assez symbolique d'ailleurs d'avoir donné le titre de l'album au morceau instrumental le moins classifiable. En fait, on dirait presque que ça pourrait être un générique de film, ça pourrait être une musique ambiante. C'est tout sauf un morceau de rock. Donc, c'est pas pour rien qu'on a donné ce nom-là à l'album, parce que c'est on aime bien prendre le contre-pied des choses. Oui. On adore faire du rock, on adore faire du stoner, on adore faire des choses lourdes et dures, mais on aime bien aussi, et ça date de l'époque où on faisait le ciné-concert, on aime bien intégrer des éléments totalement ambiants et froids dans ce qu'on fait. Et justement, bah, tu m'enlèves le mot de la bouche, parce que Seven Weeks, est-ce que vous avez déjà pensé éventuellement à figurer sur un générique film, bande originale ou quoi éventuellement parce que... On adorerait. On a eu la chance de pouvoir jouer, grâce au ciné-concert, on a eu la chance de pouvoir jouer au Forum des Images à Paris, pendant ce qu'on appelle l'Étrange Festival, qui est un festival de renommée mondiale avec sur des films fantastiques, un peu décalés, ce genre de choses. Et on a fait un super concert, ça a été très bien accueilli, la salle était pleine, et on espérait secrètement pouvoir toucher des gens du cinéma avec ça. Bon, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, mais on adorerait le faire. Moi, j'aimerais beaucoup, d'un point de vue ne serait-ce que personnel et aussi pour le groupe, j'aimerais beaucoup qu'on nous propose ça. Ouais. Et t'as pas un metteur en scène ou une personne avec qui tu voudrais vraiment bosser? Non, parce que c'est plus le sujet du film et comment c'est filmé, plus que la personne en fait. Et en plus, je suis pas quelqu'un qui a une grosse un cinéphile averti, je connais beaucoup de films comme tout le monde parce que c'est très courant aujourd'hui, mais je vais pas pouvoir dire j'adorerais bosser avec ce réalisateur. Enfin, si, moi je suis un fan de Clint Eastwood, mais c'est impensable, ne serait-ce que parce que Clint Eastwood déteste le rock, de faire la bande originale de ses films. Mais non, je pense plus à des moyens-métrages, ce genre de choses. On n'a pas les épaules pour faire une musique de film sur un grand film, parce que de toute façon aujourd'hui c'est ultra calibré, il faut vraiment rentrer dans certains canons d'écriture auxquels on n'appartient pas. Quoi. Voilà, donc l'album va sortir au mois de le 20 octobre, le 21 exactement. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des releases parties de prévues sur Paris, puis des concerts en date déjà? Je crois 6 ou 7 concerts d'ici la fin d'année. Alors bien sûr, on a une petite release partie à Limoges au mois de novembre. On joue à Paris et à Colmar, à Nancy, avec Lydia Lunch, qui est une sorte d'icône post-punk, un peu cold, un peu nouvelle, tout ça à la fois, un peu de noise aussi. Mm-hmm. Donc on est super content de jouer dans un registre qui n'est pas celui dans lequel on nous place habituellement. Et sur 2017, c'est là qu'on va avoir apparemment pas mal de dates, puisque les tourneurs travaillent sur cette période-là. Justement, donc vous n'allez pas vous retrouver à deux ni à trois sur scène. Est-ce que tu peux déjà nous dire les acolytes qui vont vous accompagner sur cette tournée? Bien sûr, on est justement en résidence. Là, on sort juste, on est toute la semaine parce que notre première date à Strasbourg, samedi. On est en résidence avec Gérald qui fait la guitare et PH qui fait guitare-clavier. Ah ben voilà, comme ça on en sort un peu plus. Voilà. Quel a été le morceau sur cet album qui a été pour toi, on va dire, le plus dur à accoucher quand même, où c'est assez dur en composition, peut-être ne pas savoir mettre ce qu'il fallait comme son, ou vous êtes remis en question, est-ce qu'il y en a un? bizarrement, les choses les plus singulières, c'est-à-dire les morceaux les plus spéciaux, comme Farewell to Dawn ou The Ghost Beside Me, ce genre de morceaux ont été hyper faciles. Ils ont été faits quasiment en une fois. C'est-à-dire que à partir d'un rythme de batterie, j'ai presque joué dès la première fois le morceau sous sa forme finale qu'on a aujourd'hui sur l'album. Par contre, des choses très, on s'est remis en question sur des morceaux beaucoup plus classiques, comme par exemple Note, qui est le morceau de clôture, qui est un morceau qui alterne beaucoup de parties différentes et tout. Là, c'est des morceaux qui ont été difficiles à mettre en place parce que techniquement ils étaient difficiles. Donc c'est assez rigolo de voir que les morceaux les plus dans le registre le plus classique de Seven Weeks ont été difficiles à mettre à accoucher, alors que les morceaux les plus aventureux ont été plutôt faciles. Donc on peut dire que le morceau dont tu es le plus fier, c'est Knot, peut-être ? Non, il n'y a pas de morceau dont je suis plus fier, mais il y en a un qui me touche plus que les autres, c'est The Ghost Beside Me. Tout simplement parce que c'est un morceau qui s'est fait d'une fois et dont j'avais le texte qui était écrit depuis 2 ans déjà. Mm-hmm. Et je tenais absolument à ce texte. Ce texte était très important pour moi et la musique a découlé, mais ultra naturellement. Et je trouve que le rendu, espèce de morceau un peu glacial, fantomatique, et en même temps très lourd, c'est vraiment pour moi un morceau qui symbolise Seven Weeks. Mais donc, est-ce qu'on peut espérer vous voir ici dans le Nord ? Alors, on joue à la Guerre des Gaules, c'est en Belgique. Oui. On joue le 21 octobre, je crois, ou le 20 octobre, je ne sais plus. Donc deux jours de la fin du mois, là. Donc deux jours de la sortie de l'album, quoi, ou le jour avant, quoi. Ben voilà, c'est ça. Et justement, je ne sais plus si c'est pile le jour, mais c'est autour de ça. Ouais. Voilà. Et ben nous, on te remercie de nous avoir appelé. Hein, Moi, je vous remercie. Voilà. Juste un petit mot parce que j'ai notre slasher qui a fait la petite chronique dans du coin métal en vidéo, ouais. Qui est avec nous, qui voulait te remettre un bonjour pour sa petite chronique, quoi. Pareil, je le remets aussi. Voilà. Donc on va s'écouter The Ghost Beside Me, le titre que tu affectionnes le plus, quoi. Et nous, on te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous parler un peu de cet album qu'on conseille à tout le monde de s'empresser d'acheter cet album dès qu'il sort. Surtout que là, si vous l'achetez sur le site, il arrivera une semaine avant la sortie. Ah ben voilà quoi. Et ben nous ce qu'on va faire sur la page Rive d'Enfer, on va mettre le lien du site, comme ça les gens pourront aller consulter sans problème. Voilà. Et ben on te remercie, donc nous on voilà, merci à toi Julien, et ciao, et on va s'écouter donc The Ghost Beside Me. Ciao. Salut. Ciao. Oui. Voilà, c'était donc The Seven Weeks avec The Ghost Beside Me. On vient de terminer l'interview de Julien, qui est donc un des membres de ce groupe. Super sympa. On en a appris encore des choses sur l'album qui sortira donc le 21. Et il y aura le lien sur la page Facebook pour si vous procurez l'album une semaine avant. C'est pas mal, quoi. En regardant ce lien, vous pourrez aussi aller donc voir où ils sont en tournée un peu partout. Alors, on va continuer cette programmation musicale avec Monkey 3, les singes, hein, les singes, les monkeys. Et on va s'écouter Moon, et cet extrait de l'album Astra Symmetry. Une petite nouveauté, la pochette est sur la page Rive d'Enfer aussi, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés aujourd'hui, les amis. c'était Monkey 3 avec Moon, c'est un du stoner un peu lourd, un peu à la Doom aussi, instrumental. Oui. Alors le prochain qu'on va s'écouter, c'est les Inner Reflection. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on les a la semaine prochaine, eux, en interview, en phoneur aussi. Voilà, on a quand même beaucoup de phoneurs. Et donc ce sera aux alentours de 20h30 où ils nous parleront de leur prochaine EP. Et on va s'écouter le titre Empty Shell. Et puis après on s'écoutera encore une petite nouveauté. Puis ce sera la fameuse ballade. Uh-huh. Alors Inner Reflection avec Empty Shell, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, donc c'est le groupe Inner Reflection avec Empty Shell. Donc René, lundi prochain à 20h30, on les aura en interview phoneur. Le prochain titre qu'on va s'écouter juste avant de retrouver la balade crapuleuse, l'album il est là, il s'appelle World Gone Mad. La pochette elle est super méga magnifique. C'est le groupe de Mike Muir, Suicidal Tendency, groupe que nous avons vu au Lockers Festen de cette année, qui nous a mis la claque. Alors on va s'écouter. En plus, Mike Muir est une personne super sympa. Mike Muir est une personne super sympa. Par exemple, je dis un exemple. Dans le carré VIP, il y avait quand même des fans qui avaient acheté leur place. Et il a parlé au moins une heure avec leurs fans. Mmh. Et oui, et bien là, on va s'écouter un titre de cet album. Hein, ouais. Avec Clap Like Ozzy. Donc, du Suicidal Tendency. C'est parti, les amis! Clap like a Z, clap like a Z, battle of Eh ben voilà, en plus de ça, je sais bien qu'on a fait un heureux. On va faire un petit coucou à Rico. Coco Rico. Coco Rico. Voilà. Oh, t'en sors toi des voix. Voilà, donc je sais qu'il aime bien Suicidal. Et là, c'est un nouvel album qui s'appelle World Gone Mad. Et on s'est écouté Clap Like Ozzy avec une bonne ligne de basse. Parce que bon, chut, on va pas dire, mais Rico est bassiste. Voilà. Faut dire à personne. Hein. Mais faut dire à personne. Ouais, voilà, Il est exactement 21h04 et c'est l'heure de la balade crapuleuse. Aujourd'hui, j'ai choisi de reprendre un groupe. On peut dire qu'il y a quand même un panel pas mal en balade. Ouais. C'est aussi les Aerosmith. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent pour le moment. Ouais. Il serait au Hellfest. Peut-être, et on va s'écouter Crazy, extrait de l'album Get a Grip. C'est la seule fois, la seule pochette où j'ai vu une vache avec des piercings. Enfin non, mais c'est une vache qui me fait bien marrer, quoi. Et juste pour fermer la parenthèse, parce que les gens se voient déjà en disant Ben Barbeau a dit que Aerosmith serait là. Non, en réalité, il y a Aerosmith qui serait prévu, Guns et Metallica. Et je vous explique, et puis je refermerai la parenthèse. Francis Zigut, donc... notre père à tous, question média métal, et ça on ne se voilera pas la face, si monsieur Zigu n'était pas là pour faire la gueulande il y a longtemps, on ne serait pas là, a dit qu'il était prêt à couper sa barbe pour la mettre aux enchères, pour arriver à des fonds, pour essayer de promouvoir des groupes comme Aerosmith, Metallica et Guns sur les jours du Hellfest. Voilà, donc la parenthèse est close, c'est comme ça que ces rumeurs sont venues. Donc il n'y a pas encore de bruit de couloir, mais généralement, quand Zégut, tonton Zégut, annonce quelque chose, il n'en est pas loin. Il n'en est pas loin. Alors voilà, la balade, c'est Crazy, donc de Aerosmith, et on se retrouve tout de suite après pour un titre exclusif. J'en dis pas plus, mais voilà, ce sera une exclusivité sur RQC 95. FM. Avec Sylval et le Slasher pour l'émission Rive d'enfer. Voilà. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Alors voilà. Donc peut-être que ce sera une des têtes d'affiche du Hellfest, on n'en sait rien. Aerosmith, en tout cas, à voir sur scène, je vous le conseille. On en parlait tout à l'heure hors antenne, comme ça, tu disais, déjà le Hellfest l'année dernière, il était assez lourd. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus. Metallica. Mais je sais pas, on verra bien. De toute façon, y a toujours une bonne affiche très attrayante. Les noms vont commencer à tomber. Hein. Avant la fin de l'année, on aura déjà des noms et on pourra déjà se faire une idée de savoir. Voilà. Mais bon. Alors, je vous parlais d'une exclusivité, les amis. Tout à fait, on attend avec impatience cette exclusivité. Oui, oui. Ben voilà, si je vous dis Moth into Flame, ça vous parle pas. Si je vous dis que l'album sort au mois de novembre, qui a une chaîne de télévision, je ne vais pas citer le nom pour ne pas la casser, qui a fait une interview avec un de ses protagonistes, qui n'ont même pas posé des questions sur le nouvel album, leur futur album, et ben vous avez peut-être trouvé... Metallica. Ouais. Le nouvel album arrive au mois de novembre. Tout à fait. S'il est dans le même esprit que des deux premiers titres qu'on a écoutés, ben, on va se faire réjouir. En espérant aussi que là, il y ait une tournée et pas que des tournées festivals. Parce que maintenant, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de groupes qui font beaucoup de tournées festivals. Et après, ils partent et on ne les revoit pas un bon bout de temps. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et ils reviennent. Voilà, je prends l'exemple de Maiden. Ils ont fait leur tournée festival. Et ils reviennent pratiquement 6-7 mois après. Ils reviennent pas tous. Voilà. On espère, on croise les doigts, parce que ceux qui n'ont jamais vu Metallica, même si je suis pour le vieux Metallica et pas le nouveau Metallica, il faut m'aller voir une fois dans leur vie, dans notre vie, quoi, dans leur vie aussi, quoi. Voilà, parce que quand ils seront plus là, ils seront plus là. Allez, Metallica, Moses into Flames, c'est tout de suite, c'est maintenant, et ça déboîte les ménages. Et ben voilà, je crois que c'est un titre qui aura mis tout le monde d'accord, un Most Into Flame de Metallica, voilà. Ouais, non, c'est génial. Comme tu disais, ouais. Voilà. C'est reparti à l'ancienne. À l'ancienne, hein. On verra bien ce que... Oui, oui, cet album s'annonce très très bien. On verra bien comment on va s'annoncer, surtout les tournées, parce que ce qui avait fait beaucoup couler d'encre, c'est juste après la tournée du Black Album Tour, qui avait duré plus ou moins... chaque tournée durait... chaque concert durait entre 2h30 et 3h. Où ils étaient sur une forme de scène en diamant, où tout le public était autour de la scène, qui était pas mal. Et la tournée suivante, avec la tournée Load, et ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé un peu à jouer un peu à la, on va dire, à un scénario, l'homme qui tombe de l'échelle, l'autre qui prend feu, l'autre qui se fait électrocuter. Donc c'était plus tellement de la scène, c'était plutôt du visuel, plus que toute autre chose, et ça lassait un petit peu les gens, et puis même musicalement. Voilà, maintenant ils reviennent un peu à l'ancienne, on verra bien ce que ça donnera. On verra ça, hein. Alors, au mois de novembre, faut pas oublier qu'il y aura aussi le groupe Evergreen, D-Lane, et Cobra and the Lotus. Cobra and the Lotus, c'est canadien, et ils viennent aussi, donc, et ce sera la tête d'affiche, Cobra and the Lotus, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, Cobra and the Lotus, donc c'est Evergrey, D-Lane et Cobra and the Lotus, et ils vont revenir avec un nouvel album, et là on a reçu le single, et on va s'écouter Trigger Pulse, et vous me direz, les amis, ce que vous en pensez. Moi j'aime vraiment bien, et je crois que même le timbre de voix, ça peut vous correspondre aussi. Vous allez voir, Cobra de Lotus, c'est pas mal. On va entendre ça. Allez, c'est parti les loulous. We'll be right back. Alors là, je signe à deux mains. Très bien. Moi aussi, c'est bien. Trigger Pulse, c'est Cobra and the Lotus. Donc, on vous rappelle, on vous dira la date exacte. Donc, pour Evergreen, D-Lane et Cobra and the Lotus. Lotus. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est un groupe qui nous a envoyé leur album. Il s'appelle Windy Goths. Et l'album s'appelle Alone in the Crow. Et on va s'écouter Et voilà. Un petit morceau que j'aime bien, très sympatoche. Et c'est sorti sur chez Do It Record. Voilà. La pochette, je vous la montre, hein, parce que bon, là, elle n'est pas sur Facebook. Je la secoue trop, je vois rien du tout. Là. Voilà, merci. Voilà. C'est la pochette que je secouette trop, hein. Je précise. Allez, Windy God, c'est tout de suite, c'est maintenant. Thank you. Eh ben, c'est Windy Goats avec le titre Evola, extrait de l'album Alone in the Crow. Juste avant de retrouver la Sylvain Song, et oui, on va d'abord s'écouter Seven avec Fight. C'est super chouette. L'album s'appelle Shattered. Et après, on se retrouvera avec la Sylvain Song, mais avec une petite surprise. Eh ben, Seven avec Fight, très bien, hein. Très bien. Non, c'était bien. si c'est vrai. Très bien. C'était bien. Alors voilà, il est l'heure de retrouver la Sylvalsong. Et qu'est-ce qu'elle nous a choisi aujourd'hui? Qu'est-ce Alors, que je t'ai choisi? Eh ben vas-y. Enfin, je sais le groupe, mais bon, le titre. Passe la chanson et après tu lis. Non. Allez. Eh ben, j'ai choisi Van Halen. Et pourquoi ce Van Halen? Pourquoi Van Halen? Pourquoi Van Halen? Parce que je suis folle de David Lee Roth. Oh mon Dieu, la phrase. C'est clair, net et précis. Et j'ai choisi la chanson Dancing in the Street. Ah, Dancing in the Street. Qui avait été reprise aussi avec David Bowie et Monsieur Mick Jagger. Celle-là, ouais. Qui figure sur l'album, mes souvenirs sont bons, c'est Diver Drum. C'était l'album rouge avec la ligne blanche qui passait, où ils avaient même repris Pretty Woman. Ouais, voilà. Bah oui, hein. Voilà. Pretty Woman. Oui, mais s'il te plaît, ne chante pas non plus, il va pleuvoir. Voilà. Eh ben, on va se l'écouter alors, ton David Lee Roth. Et, enfin, on va dire Van Halen, pas David Lee Roth. Et on espère peut-être de les voir en Europe. Les amis, si vous nous écoutez, il y a déjà longtemps que vous avez quitté notre continent, notre bon vieux continent. Essayez de nous faire. Ça serait pas mal de les voir, même Eddie et compagnie, quoi. Ouais, tous les Van Halen sortis. Voilà, on verra bien. Hein, on verra bien. Malheureusement, on n'a pas le pouvoir de les faire venir. Et peut-être que c'est eux qui ne veulent pas, ou c'est peut-être des promoteurs qui ne veulent pas non plus allonger les pépettes, parce qu'à mon avis, ils ne viennent pas pour rien. Plus que Metallica, je crois. Ah non, pas plus que Metallica. Mais bon, maintenant, est-ce que Van Halen remplira encore des salles comme à la bonne vieille époque? C'est toujours ça le problème. C'est toujours ça le problème. Je prends l'exemple hier, quand tu regardais qu'on était pour The Agonist, le slasher dit on était même pas 100. T'imagines pour The Agonist, quoi. Un concert pas trop cher. Non. Faut dire pas trop cher, il n'y avait même pas 100 personnes. Quand tu penses même, c'est une petite salle de Crun, c'est pas pour critiquer notre ami Philippe, attention, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Mais quand tu vois même que Waps y a joué là. Ouais. C'est... Ou ça à remplit. L'époque que c'était dans des stades. Des Waps. Stades ou des forêts nationales. Déjà même forêts nationales. Est-ce que Van Halen, je pose la question, vous pouvez répondre sur la page Facebook qui est Rive d'Enfer. Est-ce que, à votre avis, des groupes... Van Halen rapportera encore du rapporterait monde. Rapporterait Van Halen, oui. Si Van Halen vient, il rapporterait Van Halen, c'est sûr. Mais est-ce qu'il remplira encore un forêt national? That is the questions. Je sais pas, franchement. Surtout que leur dernière tournée, il avait terminé par jouer à Louvain. Donc voilà, ça remonte quand même. Hein. Donc voilà. On verra bien. Ce qu'on m'a dit aussi. Pas ami avec Philippe Le Temps, on pourrait s'arranger avec Philippe Le Temps. Voilà, peut-être. Non, mais comme on dit aussi, c'est ça le gros problème dans la musique maintenant. Si les groupes ne sortent pas un album tous les un an ou tous les deux ans, ils sont très vite mis au placard. Et la vérité, elle est là. Allez, donc, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est Van Halen avec Dancing in the Street. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvalsong. Okay. Voilà, donc c'était ton choix, hein, Sylval. Eh oui, donc c'était Van Halen avec... il y en a plein des chansons. J'ai passé celle-là pour, parce que je l'adore. Mm-hmm. Dancing in the Street. On est tous en train de danser dans le studio. Oui, c'est vraiment plus, on est tous en train de danser là. Vous êtes en train de danser dans le studio. Toi, tu t'es fait ploter, c'est voilà, pas Voilà, c'est tout. Enfin, pas par moi, je rassure tout le monde encore une fois. Non, c'est le slasher qui essaie de me chatouiller. Eh ben, c'est super parce qu'on a quand même une réaction. C'est vrai que Scorpion n'arrête pas de faire cette tournée d'adieu. Et par contre, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit que Van Halen a fait ça. S'est retiré en douceur et Van Halen a arrêté aussi de par le problème de santé qu'avait Eddie. À l'époque, il s'est chopé un cancer de la gorge, je crois. Oui, c'est ça, de la gorge. Et donc, il n'a plus su continuer. Il y avait plusieurs choses. Hein. Et moi, on m'avait surtout dit que c'était le caractère infernal de David Lee Roth. Oui, mais après, il y a eu Sammy Hagar qui est venu. Puis ça a été, puis ça n'a plus été. On verra bien, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne rempliront plus des salles. Mais est-ce que vous seriez prêt à aller voir Van Halen en concert? Sammy Hagar a fait combien d'albums comparé à David Lee Roth? Le gros problème qu'il y a, c'est que la grosse explosion de Van Halen, ça a été donc l'album de Van Halen avec Eruption, You Really Got Me, qui était une reprise des Kings. Et puis après, donc on a eu les albums de Van Halen qui se sont vendus à des bons exemplaires, comme Diver Drum avec notamment David Lee Roth, donc avec notamment la reprise de Pretty Woman, Dancing in the Street. Puis après, on a eu le dernier en date pour David Lee Roth qui était 1984 avec la fameuse pochette choc qui était avec le bébé qui avait une cigarette à la main, mais il y avait quand même Panama, I Want the Teachers, le fameux Jump qu'on entend même à tous les mariages maintenant quand on y va. Parce qu'on a beau dire, quoi qu'on en dise, David Lee Roth, il y a son public. Il avait son public. Et puis après, il y a eu Sammy Hagar. Avant ça, il y a eu d'abord Gary Cherone, chanteur d'Extreme, qui n'a pas trouvé sa place pour l'album 3 de Van Halen, qui était carrément à côté de la plaque. Pourtant, même, c'est un très, très bon chanteur. Ah oui, mais bon, c'est pas sorti. Voilà, son timbre de voix n'était pas sorti. Puis après, il y a eu Sammy Hagar. Et là, Sammy Hagar a donné un coup de nouveau à Van Halen, avec quand même How Can This Be Love, bien d'autres titres, où ils ont quand même fait des gros tabacs, où ils ont rempli des stades avec Sammy Hagar. Donc, c'est vraiment les deux chanteurs phares de Van Halen, donc David Lee Roth et Sammy Hagar. Mais est-ce que vous seriez prêt à aller, je sais pas moi, pour 50 boulettes, aller voir Van Halen à Forêt Nationale? Voilà, je me pose la question. Maintenant, il y a des bruits de couloir, on en discutait même hier en concert avec d'autres personnes. On les verrait bien dans un festival, d'abord pour un peu redorer leur blason. Moi, je les verrais bien d'abord faire une tournée de fête. Ce que j'espère, moi, c'est que ça soit David Lee Roth en chanteur. Pour le moment, il est toujours attitré. Il est toujours attitré chez Van Halen. Sammy Hagar a quitté le groupe, de part pour faire ses projets. David Lee Roth aurait enterré la hache de guerre. Pour le moment, ça tourne. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce qu'il a un caractère de mappé. Puis il est violent aussi. Il est, voilà. En plus, il sert de son kung-fu, parce qu'il est quand même il est carrément fou, ce mec. Pour le moment, c'est bien. Maintenant, on verra bien. Que ce soit avec David Lee Roth, ou comme je te disais, avec David Lee Roth ou Sammy Hagar, je vais voir Van Halen, ça c'est sûr et certain. Mais moi, je serai eux, je ne ferai pas directement une tournée de salle. Je ferai plus une tournée de festival pour redorer le blason en disant ben, « on est là, on est encore capable de faire quelque chose ». On verra bien. On verra. Moi, j'attends quelques... Allez, je me donne 2 mois et on saura quoi. Voilà. En attendant, bon choix d'ailleurs pour ta Sylvalsogne. On va s'écouter quelque chose qui est dans l'alternative, qui est pas mal du tout. Ils sont numéro 1. On attend l'album ici dans Rive d'Enfer avec impatience. On l'a demandé. Normalement, il va arriver incessamment sous peu avant la sortie. Le groupe s'appelle Too Close to Touch. Le titre c'est Sympathy et franchement c'est du très très bon alternatif et ils sont numéro 1 un peu partout. C'est pas tellement dans nos habitudes de passer de l'alternatif mais ça vaut le coup. Franchement, bon, on va écouter ça, on verra bien. Voilà, c'est parti. Take a step inside my mind as my eyes are open wide. In my sleep I turned in sauce to rebuild the heart I lost. You can tell me what you want. Fooled me once and love was lost. Paper thin, your words, they haunt my dreams. The seams have come undone. Don't you Voilà, le titre c'est Sympathy et le groupe s'appelle Too Close to Touch. Retenez bien ce nom car à mon avis on va en entendre parler de ce groupe Too Close et to en Touch. En plus, la voix m'a vraiment fait penser à Périphérie. À Périphérie, oui, mais avec une musique beaucoup plus calme quand oui, même. Voilà. Voilà. Alors on continue notre programmation musicale avec l'album s'appelle Passion. Patient, si vous voulez. Le titre qu'on va s'écouter, c'est Trader et Hard Love. Pourquoi ? Oui, ben voilà. La pochette, elle est assez sympatoche aussi. Elle est sur la page Rive d'Enfer. D'accord. Por conseguir nuestra ambición. Voilà, Traidor, c'était de l'Espagnolito et c'était le groupe Art of Love. C'est pas mal du tout et ça change un peu d'entendre chanter en espagnol. Oui, hein, oui, c'est bien. Je trouve que c'est mélodieux quand même quand on pense. Oui. C'est mélodieux. Hein. Bah, c'est une voix chantante. Hein. Ouais. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter. On va vous laisser avec les Midnight Monkeys. Oui, voilà. Radio Show qui vont vous faire une programmation. Bah, voilà, maintenant c'est comme ça. Et nous, on va se quitter avec. Et Nomia. Pourquoi je vous dis Nomia? Parce qu'il y a le festival de Metal Voices. Oui. On y sera. Vous y serez. Beaucoup. Parce qu'on en parlait déjà hier. Et le groupe a décidé. C'est un groupe qui vient de Pennsylvanie. On a décidé de m'envoyer deux titres. Parce que l'album n'est pas encore terminé. Attention, il y a des vampires là-bas. Ah non, c'est en Transylvanie. Pennsylvanie, ouais. C'est de l'autre côté, c'est aux États-Unis. Mais bon, bon je, si, mais par contre, les chanteuses, je veux bien me faire sucer. Par les chanteuses, mais en vampire. Hein. En vampire, je parle. Hein. Voilà, bon, il est 22h, donc on peut se permettre. Allez, on se quitte avec donc Emon et Ennomia. Tu deviens trash hein, oui. Quand même dans tes propos. I can tell. Voilà, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Le slasher. Pas, malheureusement. Oui, malheureusement. Alain sera pas là. Mais on vous comptera le concert à ne pas manquer si vous n'avez rien à faire. Venez nous rejoindre au Splendide la semaine prochaine. Si vous voulez voir des boobs, il y en aura. Il y en aura pour tous les goûts, de toutes les tailles. Tailles. De toutes les tailles, de toutes les rondeurs, de toutes les blondes, et de toutes les couleurs. Pourquoi cheveux, parce qu'il y a Steel Panther qui sera au Splendide et c'est le concert à ne pas rater. Ah, bien entendu, avec une glorieuse première partie. Voilà. Allez, on vous laisse en compagnie des Midnight Monkeys. Ciao les amis, on se quitte avec donc Ennomia avec I Can Tell. Bye bye. Bye. My mind.